professionnels, commandez maintenant sur bernard.fr. Expert en hygiène, entretien et sécurité en entreprise, Bernard contribue à rendre vos espaces de travail plus propres, plus sûrs et plus respectueux de l'environnement pour le bien-être de chacun. Ayez le réflexe bernard.fr. Simple et pratique, Bernard, c'est 20 000 produits d'hygiène, d'entretien et de sécurité livrés rapidement dans vos locaux. Bernard.fr, tout pour faire briller vos espaces de travail. France Inter. Bonjour, c'est Stéphanie Duncan. Je vous propose une série de 6 portraits de femmes hors du commun qui, du 18e au 20e siècle, à un moment de leur vie, ont décidé de s'affranchir des conventions, de larguer les amarres et de partir à la découverte du monde. Aventurière, épisode 5, Sacajawea, une amérindienne d'origine Shoshone qui a participé à la conquête de l'Ouest. Un épisode diffusé le 3 septembre 2022. Le 7 avril 1805, le capitaine Lewis écrit dans son journal « Nous étions sur le point de pénétrer au moins 2000 miles à l'intérieur d'un pays dont aucun homme civilisé n'avait encore foulé le sol. Cela fait un an que la célèbre expédition Lewis-Clark a quitté Saint-Louis pour remonter en pirogue le Missouri. De là, ils finiront par trouver un passage à travers les terrifiantes montagnes rocheuses et malgré les maladies, la faim, les attaques de grizzly, à rejoindre enfin la côte pacifique. » Avec un objectif d'abord scientifique, l'expédition, qui répond aux visées clairement expansionnistes du président Jefferson, va ouvrir la voie à ce qu'on appelle la conquête de l'Ouest, avec son cortège de destruction et de massacres. Sur leur route, pourtant, Lewis et Clark rencontreront les peuples autochtones, tout à fait civilisés, qui habitent ces immensités de l'Ouest. Et c'est sans doute à une Amérindienne qu'ils devront la réussite de l'expédition. Sacajawea, une jeune Indienne d'origine Shoshone, devenue depuis une véritable légende aux États-Unis. France Inter, Stéphanie Duncan, autant en emporte l'histoire. Annick Foucrier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historienne, professeure émérite de l'université Panthéon-Sorbonne, Paris 1, spécialiste de l'histoire de l'Amérique du Nord. Alors, il n'y a pas beaucoup de personnages populaires de femmes amérindiennes. Il y a bien sûr Pocahontas. Sacajawea est-elle aussi connue aux États-Unis? Alors, Pocahontas, c'est intéressant, c'est une Indienne, mais une Indienne de l'époque coloniale des États-Unis. Oui, c'est au tout début. Voilà, c'est l'époque des Anglais. Alors que Sacajawea, alors je prononce Sacajawea parce qu'il y a plusieurs possibilités. Oui. En fait, on ne sait pas exactement comment ça se prononçait, comment les gens à l'époque l'ont prononcé. On se base sur la façon dont ils ont écrit Meriwether Lewis et William Clark, dont ils ont écrit les noms. Et en fait, c'est souvent phonétique et ça change. Orthographe. Oui, donc, c'est ça. Il peut y avoir différentes façons de prononcer. Moi, j'ai l'habitude de prononcer Sacajawea, mais... Bon, j'essaierai de prononcer Sacajawea, mais je ne vous garantis pas que je le ferai. Je ferai mon mieux. Et donc, cette femme est très importante. Elle est effectivement devenue un mythe. À l'époque, lorsque ça s'est passé, on va le voir, c'est simplement une petite Indienne. Mais depuis, il y a 200 ans, elle a pris une importance considérable auprès de différents groupes de personnes. Et c'est justement l'intérêt de voir comment se constituent ces mythes de l'histoire des États-Unis. Alors, l'expédition de Lewis et Clark est partie de Saint-Louis en mai 1804. À quoi ressemble à ce moment-là le territoire des États-Unis d'Amérique, qui ne ressemble pas du tout à celui d'aujourd'hui? Tout à fait. Alors, bon, on a les 13 colonies. Les 13 donc colonies qui sont à l'est, le long de la côte est, qui deviennent indépendantes après la guerre d'indépendance, donc en 1783. Et à ce moment-là, elles s'étendent jusqu'au Mississippi. Elles ont doublé leur territoire grâce à cette guerre d'indépendance. Mais il reste quand même un immense territoire à l'ouest. Voilà, qui est occupé par non seulement des tribus indiennes, bien évidemment, mais qui est occupée aussi par les Espagnols, donc sur tout ce qui est le sud-ouest actuel des États-Unis. La Californie, notamment. Dont la Californie, le Nouveau-Mexique, mais aussi le Colorado et la Floride aussi. Oui. Par, donc, il y a des Français qui habitent dans la vallée du Mississippi, car c'était là, justement, l'arc français de cette région. Et puis, il y a même des Russes qui sont, justement, qui descendent depuis l'Alaska, enfin, est-ce qui va devenir l'Alaska, et qui sont descendus même assez bas. Donc, il y a à la fois des populations amérindiennes et il y a aussi des puissances européennes. Quand vous dites la France, il s'agit de la Louisiane ? Alors, la Louisiane, c'était en fait tout le bassin du Mississippi. Avec la guerre de 7 ans et en 1763, la France perd la partie est, c'est-à-dire la rive gauche donc du Mississippi, donc toute cette partie est qui est entre le Mississippi et les Appalaches et qui se prolonge jusque à la Nouvelle-France, Saint-Laurent, etc. On a tout un ensemble mésopotamique. Mais la partie ouest a été cédée en 1761 à l'Espagne pour éviter qu'elle ne tombe entre les mains des Anglais. Et en fait, c'est cette partie ouest dont personne ne sait quelle est la réelle superficie, et donc personne ne connaît sur les cartes, c'est blanc. Ah, tout ça. Totalement alors, inconnu. Alors, il y a une vague ligne qui montre les montagnes Rocheuses, mais c'est tout. Et donc, c'est cette Louisiane, c'est ce territoire qui est récupéré par Napoléon en 1800 et qui est ensuite vendu aux États-Unis en 1803. Donc, un an avant l'expédition. En fait, après. L'idée de l'expédition commence avant. Ah oui, c'est ça. Alors justement, Annick Foucrier, quel est le but véritable de Jefferson, du président américain Jefferson, de monter cette expédition ? Alors Jefferson est un personnage fantastique et c'est bon que justement on le connaisse un petit peu plus. Oui. C'est un grand scientifique. Il a vécu longtemps en France. Il a été ambassadeur, chargé d'affaires. C'est un homme des Lumières. Oui, c'est un homme des Lumières. Il a vécu en France et c'est un homme de science, un homme d'État de science. Il devient président en 1800. Et il est particulièrement fasciné par l'Ouest. À l'époque, l'Ouest, on est en 1801, l'Ouest, c'est ce qu'il y a de l'autre côté des Appalaches, les habitants des États-Unis. Mais il est fasciné parce qu'il y a toute une série de légendes qui courent sur ce territoire que personne ne connaît, et il veut en savoir plus. Oui, c'est un scientifique, mais est-ce qu'il y a aussi une dimension colonisatrice dans expédition ? D'une certaine façon, dans la mesure où, pour lui, il faut augmenter l'espace de la liberté. Donc, il était prêt à aller depuis le Saint-Laurent jusqu'à Cuba et jusqu'à le Mexique aussi, pour élargir, comme il le dit, le territoire de la liberté. Il y a déjà l'idée d'une colonisation dans le sens que des populations qui vont arriver dans ces pays-là ? Alors, oui. Les Américains s'étendent, de toute façon, ils ont besoin de terre. Donc, ils s'étendent vers l'ouest. Ils franchissent les Appalaches, mais ils ont besoin encore plus. Et donc, il y a l'idée qu'il faut effectivement avoir ces territoires. Mais Jefferson pense quand même qu'il faudra peut-être quelques centaines d'années avant que tous ces territoires soient réellement occupés. Ça a été beaucoup plus rapide, comme nous le savons. Eh bien, merci Annick Foucrier. Je propose que nous poursuivions tout à l'heure cette discussion sur Lewis et Clark et bien sûr sur Sacagawea. C'est à travers le récit imaginaire justement de Sacagawea elle-même que je vais raconter cette aventure. Tout de suite, Sacagawea, une Amérindienne dans la conquête de l'Ouest, un texte de Christelle Mouchard, écrit spécialement pour Autant en emporte l'histoire. Réalisation, Cédric Aussire. Des étrangers sur la rivière. Je n'en ai jamais vu des comme ça. Tous ces canoës, tout ce matériel avec eux. Ils sont riches. Que font-ils ici ? Ils viennent du sud. Mais ce ne sont pas des Français de Louisiane. Ils sont plus roses, plus propres. Surtout ces deux-là, devant les autres. Qui ont l'air de commander. Le premier a l'air triste, un peu raide. L'autre ressemble à un guerrier. Quelle drôle d'allure avec ses cheveux rouges. Il s'approche. La jeune Amérindienne, qui s'étonne ainsi devant l'ampleur de l'expédition envoyée par Jefferson, a pour nom Sacajawea. Les deux étrangers qu'elle observe sont les capitaines Meriwether Lewis et William Clark. Le premier, rêveur solitaire, est le secrétaire particulier du président Jefferson. Le second, reconnaissable à sa chevelure flamboyante, est moins éduqué, mais plus familier du terrain et des hommes. Car ils ne sont pas seuls. Un groupe de soldats et de chasseurs les accompagne, ainsi qu'un lourd chargement de marchandises destinées au troc. Partis depuis un an de Saint-Louis du Missouri, ils sont en octobre 1804 aux confins de l'actuel Dakota du Nord, dans une région habitée par un peuple amérindien proche des Sioux, appelé Mandan. C'est là qu'ils vont hiverner avant le grand départ, dans ces villages mandans où vivent ensemble depuis deux siècles Amérindiens et trappeurs venus de Montréal ou de Saint-Louis. À qui faites-vous ces grands signes, Clark ? Au trappeur là-bas. Il me salue, je lui réponds. Ne serait pas plutôt à la jeune Indienne qui est à côté de lui, avec sa jolie ceinture en perles bleues ? Autant être aimable. Après tout, nous allons camper ici pendant plusieurs mois. Enfin, ne vous installez pas trop tout de même, mon cher Clark. Nous repartons au printemps. Je l'espère bien, mon cher Lewis. J'ai hâte de commencer l'aventure. J'espère que vous ne le regretterez pas. Au-delà de ces villages mandants, nous entrerons dans l'inconnu. Si j'ai répondu à votre appel, c'est bien pour aller là où aucun Européen n'est encore allé. Vous avoir à mes côtés, capitaine Clark, était une évidence. Je ne suis pas vraiment capitaine, je vous le rappelle, seulement lieutenant. C'est égal. Pour moi, comme pour nos hommes, il y a deux chefs, donc deux capitaines. Je ne sais pas comment on tournera l'expédition, mais sur ce point, je ne changerai pas. N'en parlons plus, Lewis. Je vais demander à cette jeune Indienne où nous pouvons camper. Je crains que ce ne soit ce trappeur à côté d'elle qui vous réponde, sans même que vous l'ayez interrogé. Hé ! Les Américains ! Venez donc prendre un verre de cidre ! Je vous invite ! Après tout, pourquoi pas ? Les Américains ? Mais oui, les Sioux en ont tellement parlé. Des hommes qui voyagent en canoë, qui font des cadeaux, qui fument le calumet avec les guerriers et qui vont repartir vers l'ouest au printemps. C'est peut-être une chance pour moi. Je ne suis pas la seule à le penser, on dirait. Alors, il est pas bon mon cidre ? Très bon, merci. Monsieur ? Toussaint Charbonneau. Français de Nouvelle-France. Vous êtes le capitaine Lewis, n'est-ce pas ? Nous connaissons. Bon, mais tout le monde ne parle que de vous sur le Missouri. Vous, c'est Lewis. Et lui, le rouquin, c'est Clark. Et vous êtes des États-Unis, n'est-ce pas ? En effet, mais vous, monsieur Charbonneau, vous n'êtes plus de Nouvelle-France. La France a perdu le Canada, vous vous rappelez ? Et la Louisiane appartient désormais aux États-Unis. Il va vous falloir choisir, sujet anglais ou américain. Ou indien. Et pourquoi pas ? Ça fait 8 ans que je vis dans ces villages mandants, 10 ans que je chasse la fourrure. Me suis acheté une femme chez les Indiens Idatsas, une femme chez les Indiens Yuti, et celle-ci qui vient des collines de l'Ouest. Je suis partout chez moi, monsieur. Partout où il y a du castor et des Indiennes. Un coureur des bois, c'est ça ? Tout juste. Et si vous cherchez un interprète, je suis votre homme. Je sais que vous allez à l'Ouest, jusqu'au Pacifique. Ben, ça me va. J'aime l'exploration, moi je vous accompagne. Nous allons réfléchir, merci. Clark, vous entendez ça ? 3 femmes. Ces Français sont des sauvages. Certes, Lewis, mais vous avez entendu. La petite Indienne à la ceinture bleue, sa femme, elle vient de l'Ouest. Elle peut nous être utile. Je vous laisse voir ça avec lui, je m'en vais. Je veux pas avoir affaire à ce genre d'individu. Compris. Dis-moi, Charbonneau, de quelle nation indienne est ta femme ? La petite, là ? Et des gens du serpent. Elle a été capturée par les Indiens Idatsas quand elle était gamine. Mais moi, je l'ai achetée plus tard. Les gens du serpent, tu veux dire les Indiens Snake ? Snake, comme vous dites. On les appelle aussi les Shoshonis. Il y en a ici ? Au village Mandan ? Non. Non, ils se cachent très loin dans les collines, à l'ouest. Ils ont peur des raids menés par les Idatsas, car ils n'ont pas de fusils. Mais ils ont des chevaux. Beaucoup de chevaux. Et de belles femmes, hein. Des chevaux. Ça commence à vous intéresser, hein. Vous savez que vous en aurez besoin, de chevaux, quand vos canoës ne pourront plus remonter le Missouri. Et vous comptez en acheter aux Indiens, c'est ça ? Ça sera pas facile, sans interprète. On peut rien te cacher, mon gaillard. Et ta femme, elle parle la langue des Snakes ? Sacajawea. Sacajawea, monsieur. Il demande si tu parles la langue des gens du serpent. Je parle la langue des gens du serpent, comme Tête Rouge parle la langue des Américains. Je suppose que Tête Rouge, c'est moi, et je suppose que ma question était stupide. Pour continuer dans les questions stupides, madame, vous attendez un enfant, il me semble. Mon premier-né. Ça ne gêne pas pour voyager. Je peux porter l'enfant en plus des bagages. Ah, les Indiennes sont comme ça, mon vieux. Quand le temps est venu, elles se cachent derrière un buisson et elles reviennent avec un bébé tout neuf. Elles le mettent dans une boîte, la boîte sur le dos, et hop, c'est reparti. Dis-moi, Saka... Sacajawea, qu'on vous dit. Ça veut dire femme oiseau. Femme oiseau? Quel âge as-tu? Elle a 16 ans, à peu près. Sacrée petite bonne femme, je vous jure. Et tu te souviens encore de ton peuple? Je me souviens de tout. Où j'étais quand les Hidatsa m'ont capturé? Où était notre village? Ça fait longtemps que tu es la femme de Charbonneau? Assez longtemps pour qu'il me fasse un enfant. Embauchez-le, je vous en prie. Il n'est pas très courageux, mais il fait bien la cuisine. Oh, qu'est-ce que tu lui dis là en cachette? Que tu sais faire le boudin avec du sang de bison. Et aussi du violon. Et taper du pied. Les Indiens, ils adorent ça, le violon. Écoutez ça. Arrête, je te crois. C'est entendu, je vous engage tous les deux. Je vais rentrer chez moi. Je n'arrive pas à y croire. Et dire que c'est grâce à Charbonneau. J'avais tellement peur de lui quand les Hidatsa m'ont vendu. Curieux bonhomme quand même. C'est vrai qu'il a de l'affection pour moi. Il m'offre des cadeaux. Et quand je suis malade, il est tout affolé. Il me frappe, c'est vrai. Mais pas plus que les Hidatsa. Et puis maintenant que je vais être la mère de son enfant, ça va changer. Je crois. Un enfant, ça change tout, non? L'enfant de Sacajawea et Toussaint Charbonneau naît le 11 février 1805. À cette date, Lewis et Clark ont déjà commencé les préparatifs du grand départ. Ils ont fait réparer leur canoë, taillé des vêtements de cuir, ils achètent de la viande séchée, de la farine de maïs. Et finalement, ils envoient un émissaire chargé d'apporter les premiers résultats de l'expédition au président Jefferson. Aussitôt arrivé dans la capitale toute neuve des États-Unis, le caporal Worthington se présente au palais présidentiel. Alors, qu'avez-vous à me dire? L'expédition se porte bien, monsieur le président. Les engager n'étaient pas faciles, au début. Mais avec un peu de discipline militaire, ça s'est arrangé. Et vos chefs? Parlez sans gêne, je veux savoir. Je connais bien Lewis, il a été mon secrétaire, mais Clark? Il a su se faire aimer de nos hommes comme des Indiens. Faut dire que nous votons tous ensemble les décisions à prendre, même la jeune Indienne. Une Indienne? Dans l'expédition? Notre dernière recrue. Non, je me trompe. Notre dernière recrue, c'est son bébé qui vient de naître. Le capitaine Clark s'est attaché à lui. C'est merveille de le voir pouponner. Clark est donc un homme bien. Les enfants, d'où qu'ils nous viennent, sont toujours une bénédiction. Qu'est-ce que c'est? Un oiseau d'une espèce inconnue, dans une des cages que j'apporte pour vous. Ah. Avec plein d'autres choses. Des plantes, des bois d'élan, des peaux de bison et de curieuses petites marmottes. Les Français du Canada les appellent chiens de prairie. Des Français? Vous en voyez beaucoup? Ils sont partout dans le Nord. Et ils connaissent les Indiens mieux que nous. Forcément, ils forniquent à tout va avec les Indiennes. Vous dites qu'ils connaissent les Indiens mieux que nous? C'est qu'ils sont là-bas depuis des lustres. Ils ont de l'avance. Plus pour longtemps. J'ai ordonné au capitaine Lewis de consigner les noms des peuples, des chefs, les coutumes, les vocabulaires. De toute façon, les Français qui se trouveront de notre côté de la frontière choisiront de rester américains plutôt que de retourner au Canada. Ils détestent les Anglais encore plus que nous. Parfait. Vous ne m'apportez que de bonnes nouvelles, en somme. J'espère qu'elles seront confirmées par le prochain émissaire, monsieur le président. Lewis vous l'enverra depuis les sources du Missouri. Je suis très confiant. Les géographes sont tous d'accord. La ligne de partage des eaux se trouve juste au-delà des sources du Missouri. Après cela, la distance est courte, jusqu'aux sources de la rivière Columbia, qui conduira Lewis et Clark droit vers la Californie. Et droit jusqu'au Pacifique. C'est avec une même confiance que l'expédition quitte les villages des Mandans en avril 1805. Lewis et Clark, secondés par 29 hommes et une jeune femme, remontent le Missouri sur 2 bateaux et 6 canoës. Devant eux, une étendue d'herbes hautes sans limite, où aucun Européen n'a encore pénétré. C'est la prairie avec une majuscule, futur théâtre de quelques westerns mythiques. La faune y est intacte, innombrable, des bisons par millions, des élans, des daims, mais aussi des serpents à sonnette et des ours d'une taille encore jamais vue, les grizzlies. Les voyageurs aimeraient prendre le temps de contempler cette nature sauvage et foisonnante, mais les eaux du Missouri ne leur permettent guère. À la pagaie et parfois à la voile lorsque le vent le permet, ils se battent sans relâche contre le courant, une navigation ardue qui révèle dans le groupe quelques maillons faibles et d'autres moins. Dressons le camp ici. Le terrain est plat, dégagé. En effet. On ne risque pas trop la visite d'un ours cette fois. Je vais faire signe à Charbonneau. Son canot est encore à la traîne. Je le vois là-bas. Il a mis la voile, c'est pas prudent. Le vent est instable. Je n'aurais jamais dû lui confier mes sacs. Charbonneau! Qu'est-ce que vous faites? Redressez là-bas! Vous avez versé! C'est du ciel, les sacs tombent à l'eau, les gens de bord, les médicaments, une catastrophe! Allez! Nous coulons! Reprenez la barre, Charbonneau! Ou je vous tire dessus! Qu'est-ce qui nous a pris de nous encombrer d'un type pareil? La petite indienne, Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle se penche, avec son bébé sur le dos. Elle va tomber! Ça alors? Elle rattrape tout ce qui passe par-dessus bord. Ils sont presque un paquet de feuilles. Et une boîte. Encore un paquet de feuilles. Je crois bien que j'ai tout pris. Je suis trempée. Je vais pagayer. Ça ira plus vite. Ça me réchauffera. Bravo, femme oiseau. Tu as sauvé mes affaires. Tu vois, tête rouge. Je t'avais dit que je serais utile. Comment as-tu deviné que ces papiers étaient précieux? Tu crois que je ne vois rien? Tu passes tes soirées à gratter une plume sur des feuilles pour y tracer des signes. J'ai bien compris. Ces feuilles, c'est ta magie. Tu leur confies ton âme. Oui. Et non. Ces papiers me servent surtout à raconter notre voyage aux Américains. D'ailleurs, je vais parler de toi, si tu veux bien. Qu'est-ce que tu diras? Que tu as ta place parmi nous. Non seulement tu sauves nos papiers, mais tu nous ramènes chaque soir un panier de nourriture. Je ne sais toujours pas comment. Moi aussi, je fais de la magie. Viens par là. J'allume le feu. C'est bon. Donne-moi ton bébé, il tremble de froid. Oh oh, monsieur l'Américain. On s'occupe pas du bébé. C'est moi son père. Jaloux, Charbonneau. Tu te rends compte que tu as failli le noyer? Tête rouge peut raconter ça aux Américains, tu sais. Il peut dire du mal de toi, Charbonneau. Comme il peut dire du bien de moi s'il en a envie. En grattant des signes sur des papiers. Bon, j'ai jamais dit que j'étais bon pour la navigation. J'ai dit que j'étais bon pour la cuisine. Alors cuisine, les hommes ont faim. C'est le moment de leur faire goûter ton fameux boudin au sang de bison. Je vais chercher des légumes. Chacun sa magie. La magie. C'est facile. Je cherche un trou de souris. Je creuse, je fouille. Gagné. 10 artichauts d'un coup. Bien sûr, je ne dirai pas à tête rouge que les souris travaillent pour moi. Et encore moins que je vole leurs réserves. Un ours. Il ne m'a pas vue. Lui aussi, il cherche sa nourriture. Est-ce que je dois le signaler au chasseur? Non. Nous avons assez de viande et pas beaucoup de temps. L'important, c'est d'avancer vite pour trouver mon peuple. Les snakes, comme ils disent. plus le cours du Missouri se resserre, en effet, et plus il apparaît nécessaire d'acheter des chevaux aux Indiens. Car bientôt, la rivière ne sera plus navigable. Les canoës devront alors être abandonnés et les encombrants bagages de l'expédition transportés à dos d'homme ou d'animal. Mais le mois de juin passe, puis le mois de juillet, et les Snakes restent invisibles. Lewis et Clark s'inquiètent. Les Indiens ont-ils quitté la région? Se cachent-ils? Ils interrogent Sacajawea, mais elle ne peut leur répondre. Cependant, elle est loin d'être inactive, car elle scrute inlassablement le paysage à la recherche d'on ne sait quel indice. Finalement, le 27 juillet 1805... C'est là. Quoi? Tu vois tête rouge cette colline qui a la forme d'un castor? Oui. Mon peuple campait là, entre la colline et la rivière. Je me souviens. On pêchait. Les Idatsa ont attaqué. Ils tuaient les hommes. Ils attrapaient les femmes, les enfants. J'étais là avec ma meilleure amie. Nous avons couru ensemble pour traverser la rivière. Je l'ai vue grimper sur la rive. Mais moi, un Idatsa m'a attrapée par la taille. Je me débattais, je n'ai pas pu... Tu veux dire que ton peuple vit ici? Oui. Pendant l'été. Après, il va vers l'est chasser le bison. Lewis, nous y sommes. Les Snakes ont un campement ici. Ah, Jésus-Christ, enfin. Mais, il n'y a personne? Si. Regardez. Des traces de chevaux, de feux, de cabanes. Ils ne sont pas loin. Ils se cachent. Par là. Je pars en éclaireur. Et je vous jure que je m'arrêterai pas avant de les trouver. Les guerriers vont voir son fusil. Ils vont se méfier de lui. Pourvu qu'il ne les fasse pas fuir. Ou pire. Femme oiseau, notre réussite dépend de toi maintenant. Dépêchons-nous. Mais l'expédition a beau avancer, elle ne rattrape pas Lewis et ne rencontre aucun Indien. La progression est de plus en plus difficile, tantôt dans l'eau en tirant les canoës, tantôt sur la berge où Clark, puis Sacajawea, échappent de peu aux serpents à sonnette. Plus inquiétant encore, d'immenses montagnes émergent lentement de l'horizon, à l'ouest, couronnées de neige éternelle. Car les géographes se sont trompés. La route vers le Pacifique est beaucoup plus longue qu'ils ne l'ont imaginé et barrée par la chaîne inexplorée des Rocheuses. Contraint de garder tous ses hommes pour transporter les bagages, Lewis a dû renoncer à renvoyer un émissaire pour informer le président Jefferson de la situation. À Washington, l'inquiétude monte. Monsieur le Président, pardonnez mon audace, mais avez-vous des nouvelles? Lewis devait en envoyer depuis les sources du Missouri. Je n'ai vu personne. Et depuis Montréal? Ils ont pu croiser des trappeurs. Caporal Worthington, rappelez-vous que Lewis et Clark sont en territoire vierge. Vierge? Donc, américain? Vous m'avez compris. Je pense comme vous, monsieur le Président. La destinée manifeste des Américains est d'aller jusqu'au Pacifique. Ne le dites pas trop, tout de même. Mes ennemis pensent qu'il est dangereux pour les États-Unis de chercher à s'agrandir. Peu importe ce qu'ils pensent. Là-bas, à l'ouest, les capitaines Lewis et Clark ont à cœur de faire savoir aux Indiens qu'ils ont maintenant un maître à Washington. Merci, merci, caporal. Lewis et Clark ont certes l'intention de faire savoir aux Indiens de l'ouest qu'ils sont désormais des citoyens américains. Encore faudrait-il qu'ils les trouvent. Il y a déjà 8 jours que Lewis est parti en éclaireur, 8 jours que Clark le suit péniblement avec le reste de la troupe. Ce bruit. La montagne. Elle parle. Une avalanche, plutôt. Dis-moi, tu connais ces montagnes? Non. Elles sont hautes comme le ciel. C'est le bout du monde. Il va falloir les franchir, pourtant. Le Pacifique est de l'autre côté. Pacifique? Un lac... sans limite, dont l'eau est salée. Ah, j'en ai entendu parler. Nous l'appelons la Grande Eau Amère. C'est elle que nous cherchons. Enfin, à toi, puisque tu vas rester avec ton peuple. Si nous le trouvons. Un lac sans limite. Ce doit être si beau. Ce nuage là-bas qui roule à ras de terre, ce peut pas être une avalanche? Non, c'est plus près de nous. Je vois un homme. Lewis? Il n'est pas seul. Il y a des guerriers à cheval avec lui. À cheval? Alors? C'est eux, mon peuple. Et là, avec eux, je la reconnais, ma meilleure amie. Et dire que je croyais notre petite indienne impassible. Ah, Lewis, tu les as trouvés. J'ai eu un mal fou. Finalement, ils ont bien voulu me suivre, mais leur chef est méfiant, toujours sur le qui-vive. Ce n'est plus le cas. Regarde, ils sont tous en train de rire. Remerciez Sacajawea. Une merveille, je vous dis, cette petite femme-là. Venez, venez, ils veulent vous rencontrer. Tu as retrouvé ton amie? Oui, mais elle a changé de nom. Elle s'appelle Poisson qui saute depuis qu'elle a échappé au Hidatsa. Et puis, j'ai vu aussi mon mari. Comment ça, ton mari? Calme-toi. Avant ma capture, je devais être mariée à un vieux qui a déjà deux femmes. Mais il a vu mon bébé. Il ne veut plus de moi. Ça m'est complètement égal. Ouais, j'espère bien. Bon, tu leur as parlé des chevaux? Oui. Mais ce n'est pas facile. Mon peuple va mal. Il y a eu une grande maladie. Des guerres. Ils sont partis se cacher plus haut, dans les montagnes. Ils ont faim. Il faut qu'ils chassent le bison, mais pour ça, ils ont besoin des chevaux. Mon frère m'a dit... Ton frère? Tammy Await, mon frère. Tammy Await? Tu veux dire le chef? Oui. Un grand homme. Ça alors? Dire que nous étions avec la sœur du chef des Snakes? Et qu'a dit ton frère? Qu'ils vont partir, chasser le bison. Pas de chevaux pour nous alors? Si, mais vous devez agir doucement. Tenir un conseil, offrir des cadeaux, montrer les objets de troc. Bon, réglons ça au plus vite avant qu'ils ne disparaissent. Le soir même au campement, les guerriers du clan se réunissent autour de Sacajawea, qui joue le rôle d'interprète et de diplomate. Il lui revient de convaincre les Snakes d'aider les Américains en leur vendant des chevaux, mais aussi en traçant une carte. Camille Await façonne des monticules de sable qui figurent les montagnes rocheuses, puis dessine des passages, autant d'informations grâce auxquelles l'expédition peut reprendre la route le 30 août 1805, riche de 29 chevaux. Sans dire pourquoi, Sacajawea a décidé de la suivre. J'ai pleuré de partir. Pourtant, je suis partie. Et maintenant, ces montagnes qui me semblaient si hautes, je les franchis. Ces déserts glacés qui paraissaient toucher le ciel, je les traverse. Je marche dans la neige. J'escalade les rochers. J'ai froid, j'ai faim, j'ai peur comme les autres. Parfois, je regrette ma décision, mais quelque chose me pousse en avant malgré tout. Quelque chose de plus grand que moi qui nous attend là-bas, au soleil couchant. La traversée des rocheuses dure 5 longues semaines, entre des paysages démesurés, pics enneigés dressés comme des flèches, forêts géantes, cascades vertigineuses, chaos de roches et de glace. Pour ces voyageurs mal préparés à affronter des conditions extrêmes, l'épreuve est terrible. Mais la cohésion du groupe et le sang-froid des deux chefs sont déterminants. Au début du mois d'octobre 1805, l'expédition commence enfin la descente du massif montagneux, quelque part dans l'actuel état de l'Idaho. Clark, nous avons gagné. Regarde cette source. Elle s'écoule vers l'ouest. Tu veux dire que nous sommes de l'autre côté de la ligne de partage des eaux? Eh oui, nous avons réussi. Sans perdre aucun homme. Ce sera notre plus belle victoire. Allez, va jusqu'au bout de ta pensée. Aucun homme ni aucune femme, c'est ça? Aucune femme ni aucun enfant. Notre petite indienne a été admirable, non? Je le reconnais. Mais j'en retiens surtout que malgré les obstacles, il sera possible à des familles entières de colons d'aller jusqu'en Californie. À un détail près, à partir d'ici, nous sommes en dehors du territoire acheté à la France. Donc dans des terres qui appartiennent à l'Espagne, non? Chut. Aussi loin nous irons, aussi loin sera la limite des États-Unis. Dépêchez-vous. Il y a des Indiens là-bas. Un de nos hommes leur a fait peur en tirant un oiseau. J'ai pu les rassurer, mais ils sont pas comme nous. Que veux-tu dire, pas comme toi ? Je comprends pas ce qu'ils disent. Leur visage est différent. Ils ont la tête toute aplatie avec un trou dans le nez et un caillou dedans. Et puis, ça sent mauvais chez eux. Tiens, en voilà un justement, là, tu vois ? Cette fois, c'est moi qui vais t'expliquer, femme oiseau. Tu as changé de pays, voilà tout. Ces Indiens ne te ressemblent pas, c'est vrai, mais ils ressemblent aux Chinooks qui vivent sur les bords du Pacifique. Ça sent mauvais parce qu'ils sèchent du poisson. Ils ont la tête aplatie parce qu'ils déforment le crâne de leurs enfants. Et dans leur nez, ils mettent des coquillages. Vous êtes déjà venu ? Non, mais d'autres Américains ont navigué sur les côtes de Californie. Ils ont rencontré des Chinooks et gratté des signes sur leurs papiers, comme moi. Les signes ? Encore ? Chez nous, c'est avec les mains que nous les faisons. Ça marche aussi, tu sais. J'en suis sûr. Ah, ils n'ont plus peur de nous. Et voilà qu'ils nous proposent du saumon. Tu as dû apprivoiser ces gens-là comme les autres. Ça tombe bien, nous manquons de vivre. J'y vais. Tête Rouge sait beaucoup de choses. Mais il ne comprend pas tout. Il n'a pas compris comment j'ai fait pour apprivoiser ces gens. C'est pourtant simple. Les Indiens, comme il dit, n'emmènent jamais une femme en guerre, et encore moins un enfant. Dès que je me suis montrée avec un bébé dans le dos et une ceinture de perles, ils ont deviné que nous étions inoffensifs et riches. Je vais le dire à Tête Rouge, pour qu'il l'écrive au grand chef, à Washington. Lui aussi, il sait beaucoup de choses, mais il ne les comprend pas toujours. Cher caporal Worthington, votre lettre pleine d'inquiétude est bien parvenue au palais présidentiel. Vous me demandez si j'ai des nouvelles de l'expédition, et c'est bien normal. Je n'en ai pas. Mais le pire n'est pas encore certain. Les capitaines Clark et Lewis ont largement démontré leur connaissance du terrain et leur savoir-faire diplomatique. Le plus probable est que, la saison étant trop avancée, ils ont dû hiverner une deuxième fois. Bien sûr, le problème est qu'à cette date, ils n'ont plus guère d'objets de troc. Mais rassurez-vous, je leur ai laissé des lettres de crédit illimitées. Une fois sur le Pacifique, ils pourront sans difficulté les utiliser auprès des navires de commerce qui font escale en Californie. Le président Jefferson a certes doté Lewis et Clark d'un crédit illimité, mais une fois parvenus au nord de la Californie, à l'embouchure de la Columbia, ceux-ci découvrent que les navires n'y font pas escale pendant l'hiver. L'expédition est de nouveau bloquée jusqu'au printemps suivant. Les réserves baissent, le moral aussi. Les voyageurs sont loin des ciels immenses de la prairie et des sommets lumineux des montagnes rocheuses. Il pleut jour et nuit. L'humidité ronge les vêtements, les bronchites se multiplient. Sans enthousiasme, les hommes construisent quelques cabanes et se préparent à fêter Noël loin de chez eux. Ah. Ah. C'est toi, femme oiseau ? Ne passe pas par là, c'est dangereux. Ah. Où cours-tu comme ça ? Chasser la belette ? Pour ta fête ? Noël, c'est ça ? Mais chut, c'est une surprise. N'arrête donc jamais de bouger. Justement, je voulais te demander, Charbonneau me dit que nous ne bougerons plus ? Non, c'est ici que nous hivernons. Pourquoi ? Tu veux déjà repartir ? C'est que nous ne sommes pas au bord de la Grande Eau. Vous ne voulez plus voir le Pacifique ? Je l'ai vu. Il est à une journée de marche d'ici, mais nous ne pouvons pas y camper. Il y a trop de vent. Ah. Bon. Recule-toi. Je vais faire tomber l'arbre. Et voilà. Le grand voyage est terminé. Je devrais être heureuse, mais non. Ça me rend triste. c'est la faute de Tête Rouge. Pourquoi ne m'a-t-il pas emmené voir la Grande Eau ? Tant pis pour lui. Je voulais lui offrir des queues de belette blanches pour son Noël. Elles sont si jolies, mais maintenant, je n'ai plus envie. Oh, j'en ai assez de manger du poisson, Capitaine Clark. Je tuerais bien un chien ce soir pour changer. Voyez ça avec les Indiens, Charbonneau. Ils en vendent, mais ils veulent mes mocassins en échange. C'est trop cher. Je peux leur donner des hameçons à la place? Non, nous n'avons presque plus d'objets de troc, il faut économiser. Sacajawea, donne-moi tes perles. Je vais acheter du chien. J'en ai plus. Tête Rouge m'a obligée à vendre ma ceinture bleue. Et toi, tu m'as fait découdre toutes les perles de ma tunique. J'ai tellement envie d'un rôti. Donne tes mocassins. Pas question, vous mangez du poisson, Charbonneau, comme tout le monde. Oh, je suis pas tout le monde, moi. Je suis pas tout... Qu'est-ce qui se passe, Clark? Encore des problèmes avec les Chinooks? Leurs prix sont de plus en plus élevés. Ces Indiens sont tellement habitués à marchander avec les marins européens. Les Chinooks sont des rapaces, on m'avait prévenu. Tu es injuste. Leur système commercial est remarquable et leurs bateaux magnifiques. Et puis l'expédition est un succès, non? Je sais pas. Nous avons traversé l'Amérique d'Est en Ouest pour la première fois, c'est vrai. Mais tous ces peuples indiens, comment faire d'eux des citoyens des États-Unis? Et pourquoi? Allons, tu es fatigué, voilà tout. Tiens, qu'est-ce qu'il vend celui-là? Cette matière gélatineuse, Capitaine, on dirait... Capitaine, venez voir! Pareil qu'il y a un poisson géant échoué sur la plage. De la graisse de baleine. Pas la peine d'en acheter, je vais aller en chercher moi-même avec deux ou trois hommes. Charbonneau, prépare-toi! J'en ai assez du poisson, je vous ai dit! D'abord, c'est pas un poisson, ensuite j'ai besoin de... Moi, Tête Rouge, je veux y aller. Toi? J'ai besoin de gros bras, pas d'une petite femme oiseau. Je veux venir. Je veux voir la Grande Eau. C'est pour ça que je vous ai suivi. Et puis, je veux voir aussi le poisson. Les Chinooks disent qu'il est aussi gros qu'une colline. C'est vrai, tu n'as jamais vu la mer. Je te demande pardon. Allez, viens avec moi. Ni Clark ni Lewis n'oublieront ce jour où Sacajawea exigea d'aller voir la mer. Tous les deux le mentionnent dans leur récit de voyage, comme s'ils avaient voulu faire partager aux citoyens des États-Unis l'émotion de cette jeune Amérindienne qu'ils ont emmenée sans savoir qu'elle prendrait tant d'importance pour eux. La mer. Enfin. Cette vague géante qui monte devant moi. Rien que pour ça, je suis heureuse d'avoir marché dans la neige, d'avoir escaladé les rochers et même d'avoir supporté Charbonneau. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Retourner chez mon frère? Non. J'ai vu trop de choses. Je n'y ai plus ma place. Ou bien suivre Tête Rouge dans son pays? Non. Je ne veux pas y aller. Je crois que je vais rester dans les villages mandans avec Charbonneau. Là-bas, les gens sont comme moi. Ils se mélangent. Ils gagnent leur vie en voyageant. Un bon pays pour une femme oiseau. Sacajawea, une Amérindienne dans la conquête de l'Ouest, de Christelle Mouchard, avec Sacajawea, Kenza Lagnaoui, Meriwether Lewis, Florian Chocard, William Clark, Laurent Ménoret, Toussaint Charbonneau, Guillaume Durieux, Thomas Jefferson, Michel Derville, le caporal Worthington, Léo Reynaud, bruitage Bertrand Amiel, prise de son montage et mixage Bastien Varigaud et Dofar Guérid, assistante à la réalisation Anissa Zidna, réalisation Cédric Ossir. Annick Foucrier, Sacajawea a-t-elle vraiment joué un rôle essentiel dans l'expédition de Lewis et Clark, 1804-1805? Rétrospectivement, oui. Peut-être pas celui que l'on pense, c'est-à-dire qu'on la présente souvent comme un guide. En fait, elle n'a pas été un guide, sinon sur le territoire assez réduit qu'elle connaissait parce que c'était le territoire de sa tribu Shoshone. Mais par contre, elle joue un rôle extrêmement important d'interprète. Parce que, en fait, tous ces gens-là ne parlent pas les mêmes langues. Donc, Clark et Lewis donnent des instructions à un Canadien français en anglais. Ce Canadien français traduit en français pour Charbonneau. Charbonneau traduit en Nidatsa pour Sacagawea, et Sacagawea traduit en Shoshone pour son frère, et inversement. Donc Shoshone, je précise, hein, c'est Snake, c'est la même chose. Hein, oui, c'est tout à fait. C'est deux noms différents pour désigner le même peuple. Donc en fait, il y a tout ce lien, cette chaîne de traduction, et ça c'est quelque chose d'extrêmement important, parce qu'à partir du moment où on passe de l'autre côté des montagnes rocheuses, eh bien là, plus personne ne sait comment s'adresser aux Chinook. Oui, c'est une autre civilisation presque. Ce sont des autres langages, ce sont des autres peuples, et ce sont en effet des autres cultures, des autres organisations sociales. Il y a trois grands ensembles sur ce territoire, et ce sont des populations complètement différentes. Oui, qui ne se côtoient pas, puisqu'il y a cette fameuse barrière... Voilà. Non seulement qui ne se côtoient pas, mais qui sont ennemis les uns des autres et qui font des raids les uns contre les autres. Pour en revenir à Sacagawea, c'est quand même étonnant ce personnage, cette femme qui a un bébé sur le dos, qui continue à... C'est ce chemin, cette longue route qui est épuisante pour tout le monde et même pour elle, évidemment. Et elle va rester jusqu'au bout, elle tient à aller voir la mer, ça c'est authentique. Elle veut aller voir la mer, elle préfère cela plutôt que de rester dans son peuple, auprès de son peuple Shoshone. C'est en effet une très jeune femme. Hein. Elle a à peu près 18-19 ans. Seulement, il faut voir que 18-19 ans à cette époque-là, c'est pas comme 18-19 ans de notre époque. C'est-à-dire qu'ils sont habitués à travailler très dur et très jeune. Et elle fait l'admiration de tous par sa capacité à suivre effectivement une expédition qui est par des terrains très très durs. Et c'est elle qui... parce que c'est le rôle des femmes, qui sait trouver de la nourriture, c'est-à-dire des racines, c'est-à-dire justement ces fameux artichauts qu'elle récupère dans les terriers des, voilà, des rongeurs. Donc, elle joue un rôle très très important. Effectivement, elle réussit à récupérer un certain nombre d'objets qui partaient sur l'eau au moment où il y a cette pirogue qui manque se retourner. Elle fait réussit preuve. À récupérer le matériel, les documents. Elle fait preuve de sang-froid à ce moment-là, et même Lewis, qui est avare de compliments, justement, dans son journal, écrit qu'elle a joué un rôle très important. Pour l'expédition, donc elle se termine, ils reviennent finalement à l'automne 1806. Lewis et Clark sont accueillis en héros, on ne les attendait plus, on pensait qu'ils étaient morts. Quel est le bilan de cette expédition? Alors, en fait, il faut voir le bilan par rapport à ce qui était attendu. Jefferson leur avait demandé de trouver le passage du Nord-Ouest, un passage qui allait permettre facilement de traverser l'Ouest jusqu'au Pacifique, de façon à établir une ligne de communication et de commerce. Un passage facile, avec un très bref portage, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Donc, de ce côté-là, bon, ils n'ont pas fait ce qu'on attendait d'eux. Mais... en fait, le bilan est considérable parce qu'ils ont ouvert la voie tout de même. Ils ont rencontré des populations amérindiennes que aucun Européen ou aucun Américain n'avait rencontrées avant eux, qui en fait vont disparaître à cause de maladies, en particulier plusieurs épidémies de variole dans les années qui vont suivre. Et ils ont rapporté... parce qu'ils ont un peu joué un rôle d'anthropologue, ils ont rapporté ce qu'ils savaient de ces tribus indiennes. Comment est-ce que, par exemple, même sur les mariages, sur tout ce qu'ils faisaient. Les traditions, donc, oui. Voilà, donc il y a une foule d'informations très importantes sur les populations, mais aussi sur les plantes, sur les animaux et des cartes. Clark a fait beaucoup de cartes avec l'aide aussi des Indiens qui faisaient des cartes sur des, bon, par exemple sur du sol ou sur des peaux de bêtes. Et ça, c'était quelque chose de fantastique du point de vue scientifique. Est-ce qu'on peut dire, Annick Foucrier, que cette expédition, Lewis Clark, a ouvert la voie de la conquête de l'Ouest, la colonisation? Alors, conquête de l'Ouest, colonisation, ce sont des mots qui sont... c'est un petit peu plus... Elle a ouvert la voie de l'Ouest. Ça, c'était vraiment important. C'est l'ouverture du commerce, la conquête de l'Ouest avec toute sa brutalité, c'est un peu plus tard. Parce que là, ça s'est fait avec, en fait, des alliances et beaucoup de... il y a eu des moments fantastiques dans cette expédition, par exemple avec les Walla Walla, où les hommes de l'expédition et les Indiens dansent ensemble, où ils partagent leur chant. Donc en fait, il y a eu beaucoup, souvent, de convivialité. Bon, on l'a entendu dans la fiction, voilà. On l'entend bien. Il n'aurait pas pu avancer comme ça, il n'aurait pas pu réaliser cette expédition où ils n'ont perdu qu'un seul homme, c'est extraordinaire, s'il n'y avait pas eu l'aide de toutes ces tribus indiennes. À chaque fois, un personnage d'une tribu les accompagnant vers la tribu prochaine. Donc, c'est toutes ces relations qui sont ces alliances qui, malheureusement, ensuite, n'ont pas duré à cause, là, justement, d'intérêts plus colonialistes. Et Sacagawea elle-même, elle va devenir un symbole aux États-Unis. Il y a sa statue au Capitole à Washington. Elle fait partie des 99 gloires nationales du pays. De quoi est-elle le symbole, finalement ? Alors, elle a surtout été redécouverte au début du 19e siècle par les féministes, qui en ont fait un symbole de la participation des femmes à l'histoire, participation qui avait été minorée. Et donc, elles ont voulu la réinstaller dans le récit national. Et puis, cette jeune femme avec son enfant, c'est quasiment mariale aussi comme image, hein, il faut bien voir cela. C'est celle qui a le plus de statut, la femme qui a le plus de statut aux États-Unis. Et elle a aussi été sur ce petit, sur le dollar. Oui, en 2000, je crois. Voilà, oui. En 2000, le golden, le dollar doré, avec son bébé. Donc, c'est un personnage. Elle a été, cette volonté de réouvrir l'histoire des États-Unis aux Indiens, aux Afro-Américains, aux femmes, à tous ceux qui avaient été minorés auparavant. Merci beaucoup, Annick Foucrier, de nous avoir rappelé cette histoire de vous. Merci pour votre invitation. De vous, on peut lire « À travers l'Ouest nord-américain, l'expédition d'exploration dirigée par Meriwether Lewis et William Clark, 1803-1806, aux éditions de La Lanterne Magique. À lire également « La véritable histoire du Far West », une nouvelle collection de BD aux éditions Glénat Fayard. Poursuivez l'écoute de la série avec l'épisode 6, Isabelle Eberhardt, la vagabonde des sables.